Mirande le laissa filer avant de dire rageusement à Cormier « Ah, tu as un drôle d'ami, toi. Et tu t'y es si bien pris que si nous ne le sommes pas tous coffrés, ce n'est pas ta faute. Comment ? Tu m'envoies chez le juge d'instruction en me pressant de me déclarer et tu me caches les dessous de l'affaire ? Tu me laisses croire que tu ne connaissais pas ce marquis de Ganges ? Et voilà que j'apprends que tu es au mieux avec sa femme. Tu aurais dû au moins m'avertir. Et tu me permettras d'ajouter que puisque tu es son amant, c'était à toi de le battre. Je ne suis pas son amant et je te somme de m'écouter, au lieu de t'emporter et de m'adresser des reproches que je ne mérite pas. Soit, qu'as-tu à me dire ? Ici rien. Tu vas me faire le plaisir de venir avec moi au Luxembourg. Nous causerons en nous promenant sous les arbres. Ce sera long et je ne veux pas qu'on nous dérange. » Mirande criait toujours plus fort que son ami Paul, mais toujours aussi il finissait par se ranger à son avis. Il se tut donc et il le suivit jusqu'au jardin, qui dans la saison où on était reste ouvert très tard. Paul lui fit traverser les allées qui entourent le bassin entre les deux terrasses. Il s'était mis en tête de lui raconter ses aventures avec la marquise à l'endroit où elles avaient commencé. Le décor n'avait pas changé depuis le mémorable dimanche où Paul Cormier, sans songer à mal, avait fait la connaissance d'une marquise. Les grands marronniers de la terrasse avaient toujours leur panache blanc et le soleil à son déclin éclairait obliquement la longue allée de l'observatoire. Seulement il était tard et les promeneurs étaient moins nombreux. Les bourgeoises, assises en famille, avaient quitté le jardin et les étudiantes n'étaient pas encore en nombre. C'est le chemin qu'elles préfèrent pour aller à Bullier, mais le bal ne commence guère avant 10 heures et ces dames achevaient leurs cigarettes devant les cafés du Boulmiche. Les deux amis ne pensaient guère en ce moment au plaisir du quartier. Paul, fort ému et assez inquiet, cherchait un moyen de sortir des terribles embarras où il s'était mis. Et Jean, très rogue et très mal disposé, attendait des explications que son ami ne se pressait pas de lui fournir. « Voyons, dit-il en s'arrêtant tout à coup, te décideras-tu à parler, oui ou non ? J'en ai assez de rôder sur cette terrasse, et je te prie de m'apprendre enfin ce que c'est que cette marquise de Ganges dont tout le monde me rabat les oreilles. » « Tu la connais ? » répondit Cormier. « Moi ? Allons, pas de blague. Je n'ai pas envie de rire. Je te répète très sérieusement que tu as vu la marquise de Ganges et que tu lui as parlé. « Où ? Quand ? » vociféra Mirande, dont la voix avait l'éclat des cymbales. « Pas si haut, je te prie. Il est au moins inutile que les promeneurs nous remarquent. Et il peut y avoir des mouchards, ici comme ailleurs. C'est bon, je me tais. Mais explique-toi. Tu as vu Madame de Ganges dimanche dernier, pendant la musique au Luxembourg. » Elle était assise là-bas, au pied de cette statue. Comment, la pimbèche blonde, qui m'a si bien blackboulé, c'était la marquise. Alors parbleu, toi qui la connaissais, tu aurais dû m'avertir qu'elle était si farouche. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'empêcher de l'aborder. Tu n'as pas voulu m'écouter. Mais à ce moment-là, je ne la connaissais pas du tout. C'est après, bien après, quand tu étais déjà parti avec tes noceuses. C'est alors seulement que je l'ai revue et que j'ai eu avec elle une conversation. « Ah, je te reconnais bien. Tu fais tes coups à la sourdine, toi. Tu as attendu que je ne sois plus là pour me couper l'herbe sous le pied. Je m'en moque, mais je tiens à te dire qu'on ne se conduit pas comme ça quand on pose pour le parfait gentleman. Laisse-moi donc parler. Je ne songeais pas à te supplanter. Mais tu y es arrivé tout de même, sans t'en douter. Je comprends que tu te sois laissé aller. Une marquise, c'est ton rêve depuis que je te connais, et la première que tu as trouvée par hasard, tu ne l'as pas manquée. « Tu raisonnes à faux, car au moment où elle m'a adressé la parole, je ne me doutais pas du tout qu'elle était marquise. Je la prenais même pour une grande cocotte. Et c'est une illumination d'en haut qui t'a fait apercevoir sous son chapeau une couronne de marquise. C'est plus tard que j'ai su qui elle était, et je l'ai su par hasard, c'est-à-dire, ne patauge donc pas dans les blagues. « Ah, tu m'ennuies à la fin, » s'écria Paul Cormier. « Tu m'interromps sans cesse, et je ne peux pas parvenir à placer un mot. » « Je te déclare que si tu continues, je vais te planter là. Tu iras te renseigner ailleurs. Moi, je ne te reverrai plus. »« Allons, je t'écoute. Raconte et sois bref. Tu en es resté au moment où tu as retrouvé la blonde que tu cherchais. »« Je ne la cherchais pas du tout. Je m'en allais tranquillement dîner chez ma mère au Marais. Au moment où je montais dans un fiacre, près de la grille de la rue de Vaugirard, une femme voilée entrait dans ce fiacre par l'autre portière et me faisait signe de prendre place à côté d'elle. » Naturellement, je ne me suis pas fait prier. 2 minutes après, elle relevait sa voilette et je reconnaissais la dame de la terrasse. Alors, je l'avoue, je me suis cru en bonne fortune. Je m'y serais cru à moins. Une femme qui t'enlève en voiture. Eh bien, je me trompais complètement. Dès que j'ai essayé de lui faire une cour un peu accentuée, elle m'a rembarré de la belle façon en me menaçant de descendre. Et tu as été assez nigaud pour te tenir tranquille. J'aurais peut-être insisté si je ne m'étais promptement aperçu que je lui étais tout à fait indifférent et qu'elle ne m'avait fait monter que pour me parler d'un autre homme. Ça, c'est plus fort. Oui, mon cher, pour me demander une foule de détails sur la vie que cet homme mène à Paris. Un homme que tu connais? Bien entendu. Si je n'étais pas liée avec lui, elle se serait adressée à un autre que moi. Un de tes amis, alors. Et tu ignorais qu'il a été l'amant de cette femme? Je l'ignore encore, et j'ajouterai que je ne le crois pas. Alors pourquoi s'intéresse-t-elle tant à lui? Je n'ai pu le savoir. Ah, décidément, tu me fais là des contes à dormir debout. Et je commence à me lasser de deviner des énigmes. Finissons-en. Nomme-le-moi cet ami qui a tourné la tête à ta marquise. Je suppose que je le connais, car autrement ce ne serait pas la peine de me dire un nom qui ne m'apprendrait rien. Personne ne le connaît mieux que toi. Allons, vas-y, comment s'appelle-t-il? Tu ne devines pas? Pas du tout. Il s'appelle Jean de Mirande. Tu te moques de moi? En aucune façon. Je te répète qu'elle ne m'a parlé que de toi, tout le temps que le voyage a duré. Et sais-tu comment elle a commencé? Par me remercier de ne pas l'avoir abordée lorsqu'elle était assise sur la terrasse. Et elle a ajouté en parlant de toi, « Quel dommage qu'un garçon si bien né soit si mal élevé. » Qu'en savait-elle si j'étais bien né? C'est précisément ce que je lui ai demandé. Elle m'a répondu que tu lui avais jeté à la volée ton nom et ton adresse. Elle ignorait ton adresse, mais ton nom lui était parfaitement connu, parce qu'elle est, comme toi, du Languedoc. Seulement, si elle a beaucoup entendu parler de ta famille, il paraît, s'il faut l'en croire, que tu n'as jamais entendu parler de la sienne. Ça prouve que la sienne n'est guère illustre, car je suis encore assez ferré sur l'art morial de mon pays. Ainsi, je sais depuis longtemps qu'il existe des comtes ou marquis de Ganges. Elle a épousé le dernier du nom. Et cette noble alliance ne me paraît pas lui avoir réussi, ricana Mirande. Mais pourquoi s'occupe-t-elle de moi? Je ne suis pas en mesure de te répondre, répondit Paul Cormier. Elle m'a questionné sur la vie que tu mènes à Paris. Elle a été jusqu'à me demander si tu avais une maîtresse. Et il m'a semblé qu'elle était contente d'apprendre que tu courais beaucoup sans t'attacher à aucune femme. Si c'est comme ça que tu as fait mon panégyrique, je ne te remercie pas. Je ne pouvais rien dire qui te fût plus favorable, car j'ai très bien vu qu'elle craignait que tu n'eusses le cœur pris. Enfin, elle m'a tant et tant parlé de toi que j'ai fini par me fâcher. Je lui ai demandé pour qui elle me prenait. Alors elle s'est excusée en me jurant que je venais de lui rendre un immense service et que plus tard elle me dirait tout, à condition que pour le moment je ne lui en demanderais pas davantage. Et tu t'es soumis à la condition? Faute de pouvoir faire autrement. Je suis descendu de la voiture sans avoir rien obtenu que la promesse d'une lettre qu'elle devait m'écrire et que j'attendrais encore si je m'en étais tenu là. Ah, j'oubliais de te dire que pour me calmer, elle m'avait juré qu'elle ne t'aimait pas et qu'elle ne t'aimerait jamais parce qu'elle ne pouvait pas t'aimer. Je n'ai pas compris. Et moi, je ne comprends pas, à moins que cette marquise ne soit une sœur que feu mon père m'aurait donnée jadis, sans me prévenir. Mais ça m'est égal. Arrive au dénouement de l'aventure. Tu en es toujours à peu près au même point. On dirait que tu ménages tes effets. Je vais abréger. Elle m'a planté là, près du rond-point des Champs-Élysées, mais je l'ai suivie si adroitement qu'elle ne m'a pas vu. Elle est entrée dans une maison de l'avenue d'Antin. J'y suis entré, sur ses talons, et je suis arrivé en même temps qu'elle au seuil d'une espèce de hall, en plein vent, où un domestique m'a pris pour son mari, et a annoncé bravement « Monsieur le marquis et madame la marquise de Ganges ». « Ça, c'est amusant, » dit Mirande en riant. « Pas si amusant que tu crois. C'est à la méprise de cet imbécile de Larbin que nous devons, toi et moi, des ennuis sans nombre. Je suppose que tu commences à deviner la suite. Je l'entrevois, mais... Tu y as assisté. Tu as même joué le principal rôle dans une scène à laquelle j'arrive. » Chez la dame qui recevait Avenue d'Antin se trouvait ce vicomte de Servon, que je viens de te présenter. Il n'avait jamais vu l'autre marquis de Ganges, le vrai. Il a cru que c'était moi. Je ne pouvais pas le détromper, sous peine de mettre la marquise dans un terrible embarras. Je l'ai laissé dire et j'ai pu, au bout de 2 heures, m'esquiver sans qu'il y eût de scandale. Je me croyais quitte. J'ai été dîner chez ma mère et après je suis venu te rejoindre à Bullier. Je ne prévoyais pas que la fatalité y amènerait ce vicomte de Servon. Qu'il m'appellerait très haut par mon faux nom et par mon faux titre, que le mari, arrivé à Paris le jour même, se trouverait là tout à point pour entendre. Maintenant, tu sais le reste. Oui, et je conviens que tu es moins coupable que je ne pensais. Je te reproche pourtant de ne pas m'avoir dit la vérité avant le duel. Tu ne m'en as pas laissé le temps. Le soufflet que tu as donné au marquis m'a coupé la parole. Bon, j'ai été trop vif. Mais après l'affaire, pourquoi m'avoir laissé croire que tu ne connaissais pas ce malheureux que je venais d'embrocher? C'était si simple de m'apprendre que... C'était impossible. Avant le combat, pendant le trajet que j'ai fait côte à côte avec lui, il m'avait raconté son histoire, et il m'avait chargé de remettre, s'il lui arrivait malheur, son portefeuille à sa femme. J'avais accepté, et je ne pouvais rien te dire avant de m'être acquitté de cette triste mission. C'est juste, et il est survenu un tas d'incidents que tu m'as racontés tantôt aux Champs-Élysées, entre autres l'intervention de ce chenapan, qui nous a vus au bastion et qui t'a dénoncé. Tout ça commence à se débrouiller. Mais la marquise, cette marquise dont tu viens de me parler, ce soir pour la première fois, tu l'as revue, puisque tu lui as remis le message de son mari. Je l'ai revue hier, chez elle, et notre entrevue a duré plus d'une heure. Alors tu dois être fixé sur son compte. Pas beaucoup mieux que je n'étais le premier jour. D'abord, j'ai eu beaucoup de peine à arriver jusqu'à elle. Je ne voulais pas faire passer ma carte de peur qu'elle refusa de me recevoir. J'ai dit que je venais de la part du marquis de Ganges. Je ne mentais pas. Mais l'homme à qui j'ai eu affaire a commencé par me dire que c'était impossible. Tu le connais, celui-là. Tu as émaillé à partir avec lui dimanche au Luxembourg. Cet escogriffe qui a l'air d'un gendarme en bourgeois? Précisément. Il paraît que c'est un ancien officier qui a été jadis l'ami du père de la marquise. Et il occupe chez elle les fonctions de garde du corps ou de porte-respect. Bref, Madame de Ganges a fini par me recevoir dans le jardin de son hôtel, où elle était avec une jeune femme de ses amis qui m'a cédé la place et que j'ai saluée en passant. Une merveilleuse beauté, mon cher, aussi brune que la marquise est blonde. Je n'ai pas osé demander qui elle était. Et moi, je ne tiens pas à le savoir. Arrive à ton explication avec la marquise. Elle a été longue et orageuse, l'explication. Madame de Ganges m'a amèrement reproché ma conduite de la veille. J'ai essayé de me justifier en lui déclarant que j'étais amoureux d'elle. Et c'est vrai, mon cher, je suis pris. Tant pis pour toi. Continue. Comment a-t-elle pris la nouvelle de la mort de son mari? Elle a d'abord refusé d'y croire, mais quand je lui ai remis le portefeuille, elle a changé de note. Elle a été très émue, très troublée. Il ne m'a pas paru qu'elle fût très affligée. Ce marquis était un fort mauvais mari, qui lui a joué tous les tours imaginables, et qui lui a mangé une partie de sa fortune. Elle ne peut pas le regretter beaucoup. Lui as-tu raconté comment il est mort? Il le fallait bien, et je lui ai tout dit. Les confidences que son mari m'avait faites, les incidents qui ont amené la rencontre, et même le nom de l'adversaire du marquis, elle me l'a demandé. Et quand elle a su que c'était moi, elle a eu un cri parti du cœur, une exclamation que je tiens à te répéter comme je l'ai entendue. Elle a dit « Jean de Mirande, c'était donc écrit qu'il troublerait encore une fois ma vie ?» Et comme je lui ai naturellement demandé ce que tu lui avais fait, elle m'a répondu « Il a fait le malheur d'une personne à laquelle je m'intéresse. » Du diable si je devine qui. Elle aurait bien dû prendre la peine de me le dire quand je l'ai abordé dimanche sur cette terrasse où tu m'as ramené ce soir. Nous n'en serions probablement pas où nous en sommes. Mais laisse-moi te raconter comment s'est terminée mon entrevue. La marquise y a mis fin en me congédiant à ses séchements, sans rien me promettre et en me laissant entendre qu'elle allait quitter Paris. J'ai eu beau lui dire que rien ne la forçait à partir, que cette affaire serait vite oubliée, et que s'il le fallait pour la tranquilliser, je m'abstiendrais de la revoir, elle n'a rien voulu entendre, et j'ai dû me retirer sans avoir rien obtenu d'elle qui ressemblât à un engagement. « Ça vaut mieux pour toi, » dit philosophiquement Mirande. « Cette marquise ne porte pas bonheur. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne plus penser à elle. » J'ajoute, reprit Cormier, toujours plein de son sujet, qu'on est venu, pendant que j'étais là, apporter une lettre adressée au marquis de Ganges, c'est-à-dire à moi, une lettre contenant de l'argent, 8 000 francs que, la veille, j'avais gagné sur parole, à ce vicomte de Servon, chez la dame de l'avenue d'Antin. La marquise l'a renvoyé. « Et tu n'en as plus entendu parler ?» demanda Mirande, en éclatant de rire. « Monsieur de Servon m'a remis la somme aujourd'hui, quand je l'ai rencontré aux Champs-Élysées. Alors, tu roules sur l'or. Je ne t'ai jamais connu tant d'argent à la fois. Et je n'en ai jamais eu dont la possession m'ait fait si peu de plaisir. Je le donnerai sans regret au premier mendiant que je rencontrerai. Garde-le pour une meilleure occasion. Maintenant que tu m'as tout dit, car je suppose que c'est tout. Oui, tu sais le reste. Ma visite au père Bardin et l'interrogatoire dans le cabinet de son fils. L'entrée en scène de cet abject coquin. Je connais tout ça. Maintenant, résumons-nous. Me voilà fortement compromis, toi un peu moins, et ta marquise pas du tout jusqu'à présent. Que comptes-tu faire? As-tu toujours l'intention de te faire son champion, sans qu'elle t'y ait convié, ni même autorisé. Je ne peux pas la défendre malgré elle, mais je l'ai quittée en lui jurant qu'elle me trouverait toujours prêt à faire ce qu'elle me demanderait, et je tiendrai ma parole. Alors tu en es décidément amoureux ? Amoureux fou. Bien fou, en effet. Mais ça te regarde. Je n'entreprendrai pas de te guérir. Je n'ai qu'une simple question à t'adresser, et je te prie d'y répondre honnêtement. Parle. Trouveras-tu mauvais que moi, qui ne suis pas amoureux de la dame en question, et qui ne le deviendrai jamais, je t'en réponds. Trouveras-tu mauvais que j'aille la voir ? Non, mais tu ne la verras pas. C'est mon affaire. Je te demande seulement si tu ne m'en voudras pas d'essayer. Pourquoi t'en voudrais-je ? Tu aurais bien tort, car je te jure que je ne lui ferai pas la cour. Je te crois. Mais tu peux bien me dire pourquoi tu tiens à la connaître. Il me semble d'ailleurs que tu oublies un peu trop, que tu as tué son mari. Elle le sait puisque je le lui ai dit, et je suis très sûr qu'elle s'en souvient. C'est un rude service que je lui ai rendu là. Peut-être, mais il ne serait pas décent qu'elle en convînt, et encore moins qu'elle te reçût. Qu'elle me reçoive ou non, je trouverai bien le moyen de lui parler. Lui parler de quoi ? Du passé, parbleu. De sa vie, que s'il faut l'en croire, j'ai déjà troublé sans m'en douter. De cette personne enfin qui l'intéresse et dont j'ai fait le malheur. Je te cite ses propres paroles que tu m'as répétées tout à l'heure. Et tu espères qu'elle t'en dira davantage ? Non seulement je l'espère, mais je n'en doute pas. Il ferait beau voir qu'elle refusa de s'expliquer. J'ai la prétention de n'avoir fait le malheur de personne, et je n'admets pas qu'on m'accuse sans preuve, même quand c'est une femme qui m'accuse. Je sommerai donc catégoriquement ta marquise de me nommer ma prétendue victime, quand ce ne serait que pour me mettre à même de réparer mes torts, si, par impossible, j'en avais eu. Je soupçonne qu'il y a là-dessous un malentendu, mais je veux en avoir le cœur net. Et si, comme elle le prétend, elle est du Languedoc, nous arriverons vite à nous entendre. Je n'ai pas, je pense, besoin d'ajouter que mes relations avec elle en resteront là. C'est tout au plus si je profiterai de ces deux premières et uniques entrevues pour lui faire de toi un éloge bien senti, conclut en riant Jean de Mirande. Comme tu voudras, dit Paul, pourvu que je ne m'en mêle pas. Je l'espère bien, tu me gênerais. Moi, je vais tâcher de voir notre juge. Il viendra peut-être ce soir chez son père. Je vais m'y transporter. Et dîner ? Interrogea Mirande. Tu penses à dîner, toi ? Parfaitement. Et je te déclare que je vais, de ce pas, prendre chez Foyot quelque nourriture. Eh bien, moi, qui n'ai pas faim, je vais prendre une voiture qui me conduira au Marais. Alors, viens avec moi jusqu'à la rue de Vaugirard. Nous n'avons que le temps. La retraite est battue. On va fermer les grilles. En effet, la nuit tombait, la terrasse était vidée peu à peu, et les gardiens avaient commencé leur ronde pour faire sortir les retardataires. Au bout du quinconce, sous les derniers marronniers, près d'une baraque, où on vend des gâteaux et des jouets, et que la marchande venait de clore, un adjudant médaillé parlementait avec un enfant, qui s'obstinait à rester sur une chaise, où il s'était assis à la turque, les jambes croisées. « Allons, petit, décampe, » disait l'adjudant, « on ferme. »« Ça m'est égal, j'attends maman, » répondait l'enfant. « Où est-elle, ta maman ? Si elle est au Luxembourg, elle viendra te chercher. »« Elle va venir. »« Eh bien, elle te trouvera à la maison. »« Allons, je n'ai pas le temps de t'écouter. »« Oust, décanille ou je te flanque au violon. » Le gardien allait empoigner le récalcitrant au collet, mais le petit se leva d'un bond, sauta au bas de la chaise, s'adossa au piédestal d'une statue, et brandissant une pelle en bois qu'il tenait dans sa petite main, il cria de toute la force de sa voix enfantine. « Vous, si vous me touchez, je vous casse la figure !» Il était si comique dans cette attitude menaçante que l'adjudant ne put pas s'empêcher de faire comme les deux amis qui riaient de mon cœur. « Il me plaît, ce moucheron, dit Mirande. Il est gentil comme un amour, mais il me semble que son éducation a été quelque peu négligée, reprit gaiement Paul Cormier. « Je ne trouve pas. On veut le faire marcher, ça ne lui plaît pas. Il se rebiffe, il a raison. Si j'avais un garçon, je le voudrais comme ça. Voyons un peu comment la discussion va finir. » « Allons, méchant môme, reprit le gardien, finissons-en. File, si tu ne veux pas que je te mène au poste, ou on te mettra jusqu'à demain dans un cachot tout noir. Tu seras bien mieux chez ta maman. » L'enfant, au lieu de répondre, resta sur la défensive, le dos appuyé au piédestal et la pelle levée comme un sabre. Le gardien n'avait qu'à étendre la main pour l'enlever comme une plume, mais le brave homme hésitait de peur de faire du mal à un récalcitrant qui n'avait pas beaucoup plus de 5 ans et qui n'était guère plus gros qu'un moineau. Ce révolté précoce était bien habillé, à la russe, toque en tête, culotte de velours, chemise de soie rouge et bottes minuscules montant jusqu'aux genoux. Il avait tout à fait l'air d'un enfant de bonne maison, bien soigné et bien nourri. La figure était charmante, ronde avec un teint d'un blanc mat, de grands yeux noirs bien ouverts, des cheveux bruns très fins coupés carrément sur le front. Sérieux avec cela comme un petit homme, et pas plus intimidé devant ce militaire à grandes moustaches que s'il avait eu affaire à sa bonne. « Il est un peu jeune pour coucher au poste, » dit en riant Mirande, qui s'était rapproché. « Et parbleu, je n'ai pas envie de le démettre, » s'écria l'adjudant. « C'est pas sa faute à ce gamin si ses parents l'ont oublié là. Bien sûr, il n'est pas venu ici tout seul. Il devait être avec sa mère, et elle est partie, sans s'inquiéter de lui. Faut être à Paris pour voir des choses comme ça. « Qu'est-ce que vous dites de ma mère ?» cria le petit en grossissant sa voix et en faisant mine de se jeter sur le gardien. Il était si drôle que le gardien se mit à rire, et dit à Mirande qui se tenait les côtes, « C'est de la graine d'insurgé, ce crapaud-là. Ah, on les élève bien à présent, les mioches. Pour lui apprendre à vivre, j'ai bonne envie de l'enfermer dans le jardin. Quand il fera nuit noire, il aura peur, et il sera bien appelé au secours. C'est peut-être votre uniforme qu'il l'effarouche, dit Jean. Voulez-vous que j'essaie de lui faire entendre raison ?»« Comme vous voudrez, pourvu que ça ne traîne pas, car nous allons fermer, et nous serions pris, messieurs. Pas de danger, ai-je répondu petit. » L'adjudant haussa les épaules et reprit sa ronde pendant que Mirande s'approchait de l'enfant, qui n'avait pas cessé de le regarder depuis le commencement de cette petite scène, et qui l'attendit de pied ferme.